Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles, madame et monsieur. Bonsoir, bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici le sommaire. Audience publique ce lundi en procès de flagrance au tribunal de résidence de Nyabiraba dans le dossier des tueries des 6 personnes accusées de sorcellerie. Le 23 juin, au total 21 personnes sont accusées, dont 3 autorités à la base. Des élèves de la direction communale de l'ancienne commune de Rumonge attendent toujours leurs résultats scolaires de fin d'année. Et les terriculteurs de la zone Muruta demandent la hausse du prix d'un kilogramme de feuilles vertes, aujourd'hui fixé à 500 francs en Burundi. C'est au regard des dépenses. Et le ministère burundais de l'Éducation compte recruter 2000 enseignants à l'enseignement fondamental et post-fondamental, ainsi qu'une centaine à l'enseignement supérieur au titre de cet exercice budgétaire 2025-2026. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore une fois, page justice pour débuter cette édition. Audience publique en procès de flagrance ce lundi devant le tribunal de résidence de Nyabiraba dans le dossier de 6 personnes récemment tuées à Gassarara accusées de sorcellerie. C'était lundi 23 juin. Au total, 21 personnes sont accusées par le ministère public d'avoir tué et brûlé les cadavres de ces 6 personnes. Les concernés nient les accusations. Le procureur a indiqué que les responsabilités de ces responsabilités de ces accusés sur base des images. Ça a été l'occasion de demander quel a été le rôle du chef de la zone, du chef de colline ainsi que le chef de secteur pour pouvoir alerter la police en vue d'éviter que la tragédie ne se produise. Le tribunal a déjà auditionné 12 personnes jusque vers 17h30 de ce lundi. 3 autorités à la base font partie de ces accusés et le procès en audience est toujours en cours. Parlons économie à présent. En montant de près de 2 milliards de dollars américains, tel est le portefeuille de la Banque mondiale au cours de cette année au Burundi pour la mise en œuvre de 20 projets. Précision ce lundi du ministre des Finances lors d'une réunion avec Zarahou Ndeline Kibwe, administrateur représentant le Burundi au conseil d'administration de la Banque mondiale. C'était également avec les ministères sectoriels ainsi que d'autres parties prenantes. De son côté, Nestor Naounouye, ministre burundais des Finances, a fait savoir que le taux de décaissement est de 21% et le taux de mise en œuvre de ces projets est de 80%, tout en ajoutant que des discussions sur des opportunités de financement d'autres projets, dont le projet de construction du barrage d'irrigation agricole d'Okajeke, ont fait objet de ces discussions. On l'écoute. Nous avons une visite de l'administrateur représentant le Burundi au niveau de la Banque mondiale parmi les 22 pays qu'il représente dans le Burundi. Il est venu pour s'enquérir de la situation au niveau du Burundi, de la mise en œuvre des différents projets financés par la Banque mondiale et aussi d'avoir des impressions par rapport aux nouveaux projets qui sont en train d'être conçus pour être soumis au financement de la Banque mondiale. Nous avons discuté sur l'état d'avancement des différents projets et il a apprécié la performance que ces projets ont et la collaboration qui se manifeste entre les ministères sectoriels de mise en œuvre, mais aussi l'élaboration des autres nouveaux projets qui vont être soumis dans le secteur, notamment tourisme et du secteur de la transformation, mais aussi des secteurs qui ont une forte croissance pour la stabilisation macroéconomique. Il va aussi s'entretenir avec le secteur privé et d'autres autorités en vue d'avoir une information suffisante pour représenter réellement le Burundi au niveau du conseil d'administration de la Banque mondiale. Nous avons aussi discuté sur les opportunités de financement du projet du barrage hydro-d'irrigation de Kajeke. Ça aussi, nous allons développer un concept note sur ça afin que le financement puisse être décroché. Nestor Naounouye, ministre burundais des Finances. Poursuivons avec cette édition. Le Burundi enregistre des avancées dans le développement du Kiswahili, vu que cette langue est désormais enseignée à tous les niveaux d'enseignement. C'est l'avis du président de l'association Solutions Académiques à la promotion du Swahili Standard Sapros Burundi. Alors que le 7 juillet marque la journée mondiale du Swahili, cette langue n'est pas utilisée comme langue officielle au Burundi dans des activités gouvernementales, notamment lors des réunions, déplore Isidore Habonimana qui appelle le gouvernement à s'y pencher. On l'écoute. Les associations qui militent pour la promotion de cette langue célèbrent cette journée. Moi, je trouve qu'il y a des avancées quand même qu'on a déjà enregistrées par rapport à l'utilisation du Kiswahili ici au Burundi. Le Kiswahili est pour le moment enseigné, que ce soit dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, même dans les universités. Cela nous montre quand même qu'il y a un pas qu'on a déjà franchi. Mais les défis quand même ne manquent pas. Ce sont des défis qui remontent des années même d'avant l'indépendance où le Kiswahili était considéré vraiment comme une langue de personnes non instruites, une langue de personnes qui ne vise autre que escroquer déjà. Il y avait même des endroits où si on vous retrouvait en train de parler au Kiswahili, on disait voilà, ça c'est une personne maudite. Autre chose, ici au Burundi, nous accusons quand même un manque de livres. Nous n'avons pas quand même beaucoup de personnes qui écrivent en langue swahili, alors que les livres, ce sont la source du savoir. Ma proposition que les autorités quand même prennent le Kiswahili comme une occasion et puis l'introduire dans les institutions swahili. Il faut que dans presque toutes les institutions, que ce soit public ou privé, utilise le Kiswahili. Ça va quand même inciter la population burundaise, ça va inciter les étudiants, les apprenants à s'y intéresser parce qu'ils auront quand même le champ d'application. Sinon, aujourd'hui, même ceux qui terminent les enseignements du Kiswahili, ils ne trouvent nulle part où pratiquer, c'est-à-dire les connaissances acquises. Vous voyez ici au Burundi, dans plusieurs institutions, on utilise le français, on utilise le Kirundi. Moi, j'aurais aimé, je proposerais que le Kiswahili aussi soit introduit comme une langue officielle. Pourquoi? Parce que c'est une langue internationale. Alors moi, je trouve mal qu'une langue internationale ne soit pas utilisée dans les institutions burundaises comme une langue officielle. Isidore Habonimana, président du SAPROS. Parlons éducation. Le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique annonce qu'avec le nouveau budget sera prélevée une contribution obligatoire spéciale de 0,5% pour l'achat notamment des manuels scolaires et recrutement des enseignants. Cette obligation est pour le compte de certains mandataires publics et soumissionnaires gagnants des marchés et publics. Le ministre François Havyarimana s'est exprimé la semaine passée lors de la présentation des réalisations pour l'exercice 2024-2025. On l'écoute. Dans une réunion du groupe sectoriel de l'éducation qui regroupe les cadres du ministère, les représentants des organisations et ONG partenaires et d'autres parties prenantes, nous avons déjà déclaré que l'année 2025-2026 sera dédiée à la campagne « Zéro enfant, Marassi en classe ». C'est dans ce cadre que la loi des finances de l'exercice 2025-2026 a déjà prévu une disposition qui nous permettra d'atteindre cet objectif. Au titre de la gestion budgétaire 2025-2026, il est institué une contribution obligatoire spéciale destinée à l'achat des bancs pupitres, des manuels scolaires, au recrutement des enseignants et à l'appui à la carte d'assistance maladie CAM. Ça, c'est pour le ministère de la Santé. Mais pour les enseignants, les manuels scolaires et les bancs pupitres, c'est pour le ministère de l'Éducation. Cette contribution est fixée à 0,5%, premièrement, de la rémunération mensuelle nette du personnel des projets financés par les partenaires au développement, 0,5% du montant du marché exécuté par les bénéficiaires des marchés publics, 0,5% de la rémunération mensuelle nette des cadres nommés par le président de la République, les présidents des deux chambres du Parlement et de l'Ombudsman. La participation volontaire à cette contribution de toute personne morale ou physique non visés à l'alinéa précédent du présent article est encouragé. Fin de citation. On ne peut pas en effet prétendre atteindre la vision d'un Burundi développé en 2060 si l'on ne commence pas maintenant à améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Nous profitons donc de cette occasion pour lancer plus particulièrement un appel aux différentes institutions, tant publiques que privées, de participer à cette contribution. Au cours de cette présentation des réalisations du ministère burundais de l'éducation pour l'exercice budgétaire 2025-2026, le ministre François Habyarimana a en outre indiqué que 2000 enseignants seront recrutés à travers tout le pays. Le ministre a en outre indiqué que cela constitue un pas en avant puisque les années passées, on ne recrutait qu'un effectif de 700. On l'écoute. Nous allons recruter 2000 enseignants à l'enseignement fondamental et post-fondamental et plus de 100 enseignants à l'enseignement supérieur. Comme vous le constatez, au niveau de l'enseignement fondamental et post-fondamental, nous allons multiplier par 3 l'effectif des enseignants à recruter et ce recrutement sera couplé au retour des redéployés et la facilitation de certains enseignants qui ont besoin de mutations. Cela doit se faire avant la rentrée scolaire 2025-2026. Ce recrutement constitue donc une occasion d'alléger la souffrance de certains enseignants qui sont les plus nécessiteux. On commencera par ceux qui ont des maladies chroniques. Les familles où le mari et son épouse ont été tous redéployés, un va regagner la maison. Ensuite, on passera aux plus âgés et on suivra aussi d'autres critères. Nous allons nous baser sur des critères objectifs pour être le plus impartial possible, car les demandes sont nombreuses. Et certains habitants de la zone Kanyosha saluent la décision du gouvernement à travers le ministère de l'Éducation de recruter 2000 enseignants. Ils estiment toutefois que cet effectif est insuffisant compte tenu de la carence existante. Ils appellent le gouvernement à revoir cet effectif à la hausse afin d'assurer un encadrement de qualité pour les élèves. Suivez ce micro-baladeur. Nous saluons tout d'abord la décision du gouvernement d'augmenter le nombre d'enseignants. Dans les écoles, les élèves sont très nombreux, alors que le personnel enseignant reste en effectif réduit. Une augmentation plus significative du nombre d'enseignants serait donc vivement souhaitée. Les 2000 postes annoncés sont en beau début, mais ne suffiront pas. Il en faudrait au moins 3000, voire davantage. Cela permettrait d'anticiper les départs à la retraite en assurant une relève disponible et en bonne forme pour continuer à éduquer nos enfants. L'augmentation du nombre d'enseignants constitue une réelle valeur ajoutée pour les élèves et les parents. En effet, cela permet aux élèves d'acquérir des connaissances plus solides. Je ne pense pas qu'il manque de personnes qualifiées pour exercer ce métier, mais il appartient au gouvernement de les recruter afin de garantir aux enfants une bonne éducation. L'effectif d'enseignants alloué par l'État est largement insuffisant au regard du grand nombre d'élèves qui ont besoin d'un encadrement pédagogique. Pourtant, de nombreuses personnes diplômées dans le domaine de l'enseignement sont actuellement sans emploi. Je demande donc au gouvernement d'augmenter le nombre d'enseignants afin de permettre aux élèves de bénéficier d'un meilleur suivi. Ainsi, les cours seront mieux assimilés. Il serait mieux d'augmenter le nombre d'enseignants afin d'atteindre un effectif suffisant. En tant que parent d'élève, je constate que dans certaines écoles, un seul enseignant doit gérer un très grand nombre d'élèves par classe, ce qui constitue un véritable défi. Pour que nos enfants puissent acquérir des connaissances nécessaires, il est indispensable qu'ils bénéficient d'un encadrement adéquat, sinon les 2000 enseignants annoncés risquent d'être insuffisants face à l'effectif élevé des élèves. Parlons encore éducation à 18h16 dans les studios de la radio Isanganiro. Certains des élèves de la direction communale de l'ancienne commune de Rumonge attendaient toujours la proclamation des résultats de fin d'année ce lundi. À l'origine, c'est le retard de certains parmi les enseignants bénévoles dont la remise de ces résultats exigeant au préalable le paiement des frais de bénévolat pour 3 mois, ce qui n'avait pas encore été fait jusque ce 7 juillet. Alors que ceux qui se sont conformés au calendrier scolaire ont clôturé l'année scolaire vendredi 4 juillet, la coalition Bafashewige en commune Rumonge demande aux parties concernées de mettre toujours en avant l'intérêt des apprenants. Le point avec Jean-Pierre Misago. Jusque ce 7 juillet 2025, certains parmi les élèves de la direction communale de l'ancienne commune de Rumonge attendaient toujours la proclamation des résultats de fin d'année scolaire 2024-2025. Les autres passent les examens de repêchage alors que certains autres ont clôturé l'année scolaire 2024-2025 ce 4 juillet. Certains parmi les directeurs d'école qui comptent dans leur personnel des enseignants bénévoles disent s'être endettés ailleurs pour payer à l'avance ces enseignants qui, quant à eux, ont remis à temps ces résultats. D'autres directeurs ont dû négocier ces enseignants qui ont un à un accepté l'offre avec retard et certains remettaient encore ce 7 juillet 2025 ces résultats. Au niveau de la coalition Afashebigé, antenne communale de Rumonge, l'on indique que c'est l'apprenant qui en paie le prix dans ces conditions. Et à Antoine Nsengiumba, représentant cette coalition en commune Rumonge, de demander à ses enseignants, aux directeurs d'école, à la DCE et à la commune Rumonge de toujours éviter de pénaliser les apprenants. Entre-temps, ces enseignants bénévoles qui ont déposé les résultats, les uns à temps et les autres avec retard, se demandent à quand et comment ils pourront être régularisés, vu qu'une partie des parties signataires des contrats, c'est-à-dire la commune Rumonge, est en fin de mandat. À ce sujet, aucune réponse de la part de la DCE, l'autre partie encore en fonction. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons assainissement et santé. Certains habitants du quartier Guissio en zone Kanyosha se plaignent du fait qu'ils ne font pas bon ménage avec le dépotoir clandestin qui se trouve tout près de leurs habitations. Depuis quelque temps, disent-ils, ces déchets sont brûlés, que la fumée qui s'en dégage ne leur facilite pas la vie, craignent pour leur santé, surtout que ces déchets sont composés de plastique et demandent à l'administration de tout faire pour que ces ordures soient déplacées de cet endroit. Un reportage signé chez Ce dépotoir dont parlent ces gens se trouve exactement dans le quartier Guissio, derrière la paroisse Kanyosha, non loin des habitations se trouvant à la 7e avenue. Arrivé sur les lieux, tu es accueilli par la fumée qui se dégage des déchets brûlés, des déchets constitués essentiellement par des ordures ménagères que les gens viennent jeter à cet endroit. Interrogés, certains habitants de cette localité affirment qu'ils ont peur d'attraper des maladies, surtout que ces déchets sont essentiellement constitués de plastique. Déjà brûlé, ces déchets, ça dégage de la fumée et c'est un danger pour notre santé. Pendant la journée, la fumée n'est pas visible, mais pendant la soirée, elle nous menace dans nos maisons. Nous nous réveillons avec une sensation d'être étouffés avec une toux. Ces personnes regrettent cette situation car l'administration est au courant de leur cas. Ils demandent aux autorités de tout faire pour que ce problème soit résolu. Qu'ils envisagent comment trouver une solution à ce problème avant qu'il y ait des accidents et qu'ils trouvent aussi un endroit où mettre ces déchets. Qu'ils enlèvent ces déchets, qu'ils trouvent un endroit où ils peuvent les déplacer, loin des habitations. Plus de 3 ans viennent de s'écouler sans que cette situation change, selon ces habitants. Ils tirent la sonnette d'alarme vu que ce dépotoir se trouve dans une localité où il y a, en plus des habitations, 4 écoles. Et les agriculteurs de la zone Muruta, en commune Kayanza, de la province Butanyere, disent qu'ils ne sont pas satisfaits du nouveau prix de 500 francs burundais par kilogramme de feuilles vertes de thé. Le prix dernièrement fixé par le gouvernement burundais disent qu'ils payent très cher les travailleurs entretenant leurs plantations théicoles en prix variant entre 5 et 7 000 francs burundais et demandent que le prix d'un kilogramme de feuilles vertes de thé soit revu à la hausse, nous rapporte Patrick Saint-Guillaume. En date de 17 mai l'an courant, il s'est tenu à Gitega au Conseil des ministres et parmi les lois révisées figurait aussi la revalorisation des cultures industrielles comme le thé et le café, où le prix d'un kilogramme de café cerise a passé de 1350 francs à 2800 francs et le prix d'un kilogramme de feuilles vertes du thé a passé de 350 francs à 500 francs. Pourtant, la hausse du prix d'un kilogramme de feuilles vertes du thé est toujours jugée insuffisante par les utilitaires de la zone Guigura de la commune Kayanza en province Butanyere. Ces utilitaires disent qu'ils payent cher les ouvriers journaliers qui entretiennent leurs plantations théicoles à un prix variant entre 5 et 7 000 francs. Les utilitaires à Muruta affirment qu'ils ne tirent pas de bénéfices dans cette culture industrielle et qu'avec la hausse généralisée des prix d'autres produits sur le marché, le thé ne leur permet pas de subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille. Face à cette situation, ces utilitaires de la zone Guigura appellent le gouvernement burundais à poursuivre cet effort de revalorisation des cultures industrielles et fixer le prix d'un kilogramme de feuilles vertes du thé à un prix variant au moins à 1500 et 2000 francs. Signalons que les derniers jours, certains des cultures arrachaient même leur plantation du thé, jugeant cette culture industrielle peu rentable et incapable d'améliorer leurs conditions de vie. Depuis la zone Guigura de la commune Kayanza en province Butanyerera, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Ainsi se referme cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.